si on se retrouve tel un renard et une louve, tant de paroles et de prières, de souvenirs et de poussières. Sur carreaux cassés, dauphin pris au piège d'un filet. Sache qu'au-delà de ta détresse, il te restera.